Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CIFU 89.fm. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour deux heures des meilleures nouvelles, des choses qui sont passées cette semaine et d'un paquet de plaisirs. Et on commence par un artiste, Ben, que j'avais hâte de recevoir à CIFU. On a enfin reçu l'album de Artist of the Year qui s'appelle Wreck in Wreck la discothèque. Oui, et on s'en va entendre la pièce hier, tout de suite, à La Connexion à CIFU 89.fm. Yeah! nouvelle pièce de Artist of the Year. À Cifou 89.1 FM, l'album qu'on attendait depuis des semaines et des mois, Wreck la discothèque. Je vais l'écouter au complet, je vais en parler à la chanson au coureur, la prochaine édition, qui est vendredi matin à 10h et les samedis et mardis à 14h, donc soyez là, aloha. Maintenant, c'est l'heure à la connexion de faire le fil jeux vidéo. Regardons les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. Selon Reuters, le vice-président senior au marketing chez Nintendo of America, George Harrison, a affirmé en entrevue que la Wii pourrait encore être en rupture de stock pendant la période des fêtes prochaines. Et je cite, il n'y a pas de garantie que nous ne serons pas encore en pénurie à la fin de l'année. Il s'est empressé de donner un conseil à ceux qui hésitent à acheter la console et je cite, si vous en voyez un, achetez-la. Si vous en voyez une, j'imagine achetez-la, mais bon. N'assumez pas que vous pourrez revenir et que vous allez en trouver une plus tard. Harrison a confirmé que Nintendo avait augmenté la production, mais certains manufacturiers tentent toujours de déterminer combien de pièces ils doivent produire pour répondre à la demande. Il est donc clair que Nintendo et ses fournisseurs ne veulent pas non plus surestimer la demande et produire trop de consoles trop rapidement. L'article vient de Jeux Express. Toujours au sujet de Nintendo, en entrevue avec GameDaily.biz, toujours George Harrison, le vice-président senior au marketing chez Nintendo of America, a laissé entendre que la marque Game Boy pourrait ne plus être utilisée. Donc, rappelons qu'elle a fait son apparition en 89 et que toutes les consoles Game Boy ont dépassé les compétiteurs dans le marché des consoles portables. George Harrison a affirmé, et je cite, cette année, dans notre stratégie marketing, vous ne verrez pas vraiment de promotion pour le Game Boy. C'est difficile de dire si vous allez, Wow, c'est tellement mal écrit sur Jeux Express. C'est difficile de dire si nous allons un jour ramener la bannière Game Boy. Donc, tout indique que le Nintendo DS, qui avait été annoncé comme un troisième pilier, remplacera complètement la Game Boy. Harrison avoue que cette décision n'a pas été facile à prendre et je cite, « C'était un gros risque pour nous d'abandonner la marque Game Boy et d'appeler le nouveau produit Nintendo DS, mais c'était une partie de la philosophie de M. Satoru Iwata qui veut que nous voulions, que si nous voulions changer les choses et atteindre un nouveau public, alors nous devions changer le nom. C'était la chose à faire, même si nous avions une des plus grandes marques de l'histoire de l'industrie. » C'est pas mal mon opinion là-dessus. C'était la plus grande marque de l'industrie, donc pourquoi s'en débarrasser? Il me semble que Game Boy est un nom... c'est comme Kleenex. Tout le monde utilise Game Boy pour parler de chaque console portable qui a jamais existé dans le monde. Donc, je sais pas, je trouve ça bizarre, mais bon. Satoru Iwata doit savoir ce qu'il fait, donc on va voir si la marque Nintendo DS va devenir aussi populaire que Game Boy. Toujours au sujet de Nintendo, ils ont décidé de retirer temporairement des rayons les exemplaires de Mario Party 8, Mario Party 8 mis en vente au Royaume-Uni. Disponible depuis le week-end dernier seulement, la version anglaise avait déjà accusé quelques semaines de retard sur la sortie européenne qui était le 22 juin, afin de corriger des propos jugés offensants dans la traduction. D'après GamesIndustry.biz, certaines copies incriminées sont malgré tout sorties des usines de fabrication, contraignant Nintendo à ce rappel massif pour faire en sorte que le problème soit définitivement corrigé. Ce couac fait écho au problème connu par le Mind Quiz de Ubisoft qui a été retiré de la vente pour utilisation de termes jugés péjoratifs envers les handicapés. On avait parlé de ça il y a quelques semaines. Nintendo communiquera prochainement la nouvelle date de sortie de Mario Party 8 au Royaume-Uni. Donc, désolant pour Nintendo, cette petite erreur de traduction. J'aimerais ça avoir des exemples des erreurs de traduction. Peut-être que si je trouve ça, je vous en ferai part dans les prochaines émissions. Grosse nouvelle cette semaine, très très grosse nouvelle, Peter Moore a quitté Microsoft et là l'article vient de Hardgamers et Hardgamers ont l'habitude de mettre à jour leur article avec un paragraphe au-dessus, donc je vais commencer par lire l'article tel qu'il a été publié le 17 juillet dernier. Dans une nouvelle tout à fait inattendue, Microsoft a annoncé que son vice-président de la division du divertissement interactif, Peter Moore, a démissionné de ses fonctions. Il va être remplacé par Don Matrick, qui fut président des studios internationaux de Electronic Arts jusqu'en février 2006. Matrick, qui compte 23 années d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, a travaillé sur de nombreuses franchises lorsqu'il était à l'emploi de Electronic Arts, dont Need for Speed, Harry Potter et les Sims. Avant ça, il avait fondé Distinctive Software en 82, qui fut acheté par Electronic Arts en 91. À noter qu'il agissait en tant que conseiller externe pour la division des périphériques et du divertissement de Microsoft depuis le mois de février dernier. Peter Moore, qui occupait le poste de vice-président de la division du divertissement interactif de Microsoft depuis 2003, a décidé de quitter ses fonctions afin de repartir dans le nord de la Californie pour y rejoindre sa famille. Il va demeurer au sein de Microsoft jusqu'en août afin d'assurer la transition avec Don Matrick, après quoi il retournera dans la région de San Francisco. Et à noter qu'il a déjà décroché un autre emploi dans l'industrie du jeu vidéo, bien que nous ignorions pour quelle firme pour le moment. C'était l'article original. Donc, ironie du sort, dit la mise à jour, alors que Don Matrick viendra remplacer Peter Moore au sein de Microsoft, Celui-ci va aller joindre Electronic Arts en tant que président d'une de ses divisions. Donc, Electronic Arts vient d'annoncer cette semaine que Peter Moore sera le nouveau président d'Electronic Arts Sports une fois qu'il quittera ses fonctions chez Microsoft. Donc, chez Microsoft, il se fait remplacer par un gars de EA et il s'en va chez EA. En tout cas, c'est un inversement de rôle. Donc, mise à jour numéro 2, dit l'article. Un document de la SEC nous apprend combien Moore gagnera dans son nouveau poste chez Electronic Arts. Donc, l'homme de 52 ans va être grassement payé puisqu'il va recevoir un bonus de 1,5 million de dollars américains, moins les taxes, en compensation pour avoir quitté son poste chez Microsoft. Toutefois, s'il quitte Electronic Arts avant le 17 juillet 2009, il va devoir rembourser un montant proportionnel. Moore recevra aussi 300 000 $ en frais de déménagement qu'il va devoir repayer s'il quitte Electronic Arts avant un an. Il recevra 550 000 $ en salaire annuel. Depuis, il va pouvoir toucher des bonus allant jusqu'à 412 500 $ par année. Donc, je crois que c'est une bonne idée pour lui de partir de chez Microsoft pour aller vers Electronic Arts. Parlant de Microsoft un petit peu, tiens, que se passe-t-il au sein de Microsoft ces jours-ci? Donc, après le départ surprise de Peter Moore, dont on vient de parler, voilà que l'événement annuel X0 quelque chose, dans ce cas-ci X07, serait annulé cette année. Donc, Aaron Greenberg, gestionnaire pour Xbox 360 et Xbox Live, a déclaré qu'il n'y aurait pas de X07 cette année en Europe. C'est un événement pourtant tenu par Microsoft depuis 2001 et qui connaissait beaucoup de popularité. Greenberg a tout de même déclaré que Microsoft tentera de trouver un autre moyen. Un moyen de parler de l'année 2008 à un événement différent ou bien via un type de programme différent du X0 quelque chose. Voilà. Donc, ils vont trouver une autre façon. Ils vont peut-être propager ça à travers différents événements locaux. Un commentaire sur l'article de Hardgamers dit « Bof, je pense que Microsoft va dévoiler ses plans et jeux au salon de Leipzig en Allemagne plutôt que de monter son propre show cette année. » Et le salon se tient, le salon de Leipzig en Allemagne, ça va être du 20 au 22 août. Et voilà. Et un autre commentaire de Mercador, qui est une personne qui travaille chez Hardgamers, si je me rappelle bien. Ça dit « C'est effectivement la réponse officielle. Il y aura le X07 habituel au Canada, par contre. Donc, le X07 Canada va avoir lieu quand même. » Voilà. Les Australiens, vendeurs de l'enseigne EB Games, ont été contraints de rapatrier les Xbox 360 modèles premium sur ordre de la maison mère, selon GamesIndustry.biz. Cette décision fait suite aux tests réalisés il y a 15 jours en interne afin de déceler d'éventuelles consoles à problème parmi les stocks. Il est précisé que seuls les packs premium sont concernés et que ce rappel ne porte pas sur l'habituel problème du Red Ring of Death, dont on parle plutôt régulièrement, le Red Ring of Death, le petit anneau rouge qui s'affiche sur votre Xbox et qui fait que la Xbox arrête simplement de fonctionner, mais plutôt sur des modèles au disque dur défectueux. Les packs premium devraient être de retour sur les étalages de la chaîne australienne en milieu de semaine. Voilà. Donc, j'imagine que c'est déjà fait. Et puis, ben voilà, ça fait le tour pour le fil jeu vidéo. La première partie, j'ai posté un article qui s'appelle Microsoft a confirmé que toutes les Xbox 360 sont défectueuses. Donc, je vais essayer de traduire l'anglais un petit peu. Vous savez comment j'ai de la difficulté avec ça. Donc, si vous croyez que Sony était le seul manufacturier de consoles à passer une très, très mauvaise journée, non, vous avez tort. Après plusieurs mois de plaintes de la part du public, Microsoft a publiquement admis que toutes, c'est-à-dire chaque console vendue depuis le début, chaque Xbox 360 a une défectuosité qui peut mener à leur failure, leur défectuosité, voilà. Donc, Robbie Back, la tête de la division Xbox 360 de chez Microsoft, a refusé d'élaborer sur le sujet au moment où l'article a été posté. Le consensus général dit que c'est un... management design, botch thermal design management et mauvaise dissipation de la chaleur qui mène à cet échec-là. Donc, des 12 millions d'unités vendues environ, presque 12 millions d'unités présentement sont affectées. Microsoft n'a pas encore fait de rappel global, mais ils ont triplé leur période de garantie. On parlait de ça la semaine dernière et ils devraient payer près de 1 milliard de dollars pour corriger la situation. Voilà. Et petite note en bas de l'article, ça dit que la personne qui a posté cet article-là ne savait pas que ça allait créer une aussi grande controverse. Microsoft a donc posté le contenu audio complet d'un appel conférence qu'ils ont fait. Donc, vous pouvez aller télécharger ça sur l'article qui s'appelle « Microsoft admits all Xbox 360s are defective ». Microsoft, qui disent que les consoles vendues depuis les 19 derniers mois souffrent d'une faiblesse dans leur design. Mais quand même, la garantie a été allongée, donc ça fait au moins ça. Il fait le tour pour le fil jeu vidéo. Très, très, très intéressant. Très, beaucoup de choses à venir plus tard dans le deuxième fil jeu vidéo. On va parler, entre autres, de la nouvelle PSP au Japon. Et on va parler de la PlayStation 3 US. On dit que la fin du modèle 60 gigs a été confirmée. On va aussi parler d'Internet tantôt. On va parler des lunettes de John Lennon qui sont à vendre sur Internet. Mais pour l'instant, voici une pièce de Navet Concours. Quand tes yeux dégouttent sur ma tête, à la connexion. Assez fou. C'est peut-être parce que sont en dessous de ta tête qui penche, qui pense à des gens gratuits qui disent des beaux mots comme évanescence. Pourquoi tu fais, pourquoi tu fais, pourquoi tu pleures? Avec Confi et la pièce Pourquoi tu fleuves à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et du vidéo à CFOU 89F. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Regardons ce qui s'est passé dans le monde des ordinateurs cette semaine. On commence au Québec, local. Les dernières statistiques de l'enquête québécoise Net Tendance indiquent une forte progression de la popularité des vidéos chez les adultes québécois. Donc, Net Tendance, qui est une vaste enquête qui scrute les habitudes des internautes québécois depuis novembre 1999, souligne que 20,2% des Québécois de 18 ans et plus ont visionné ou téléchargé des vidéos sur Internet en juin 2007, alors que cette proportion n'était que de 11,7% un an plus tôt. Je trouve ça encore très faible. Très faible. Entre juin 2006 et juin 2007, l'écoute ou le téléchargement de musique sur Internet a également augmenté, quoique de façon moins spectaculaire, passant de 19,1 à 27,3 des adultes québécois. L'édition de juin 2007 de Net Tendance suggère en outre que la communication par courrier électronique n'a jamais été aussi populaire, puisque plus de 2 adultes québécois sur 3, 67,5 ont indiqué employer le courriel pour contacter parents et amis. C'est encore pas beaucoup, je trouve, 67 mais bon. Depuis, la proportion des Québécois de 18 ans et plus utilisant le clavardage a également augmenté à 33,7%, gagnant quelques points par rapport au 27,7% de juin 2006. Ça veut dire le chat, le clavardage. Toujours en juin 2007, 72,3% des adultes québécois disaient avoir navigué sur Internet au cours des 7 derniers jours. 70% seulement. Ceci pendant 6,6 heures par semaine pour des motifs autres que le travail ou les études. Ah d'accord, ça s'explique. Donc, les détails sont dans le site Infomètre du Cefrio. C'est sur le infomètre.cefrio.qc.ca, mais passez par le unechance.com qui est le site de l'émission pour voir toutes les informations. Un site d'enchères britannique vend des lunettes de soleil qui, selon les dires du vendeur, auraient appartenu à l'ex-Beatles John Lennon. En 1966, John Lennon aurait donné cette paire de lunettes de soleil à Junichi Yore, celui qui était alors interprète pour les Beatles lors d'une tournée au Japon. C'est ce qu'on peut lire dans la page de description de l'article sur le site 991.com. De forme circulaire, la monture de ces lunettes de soleil en or est dépourvue de lentilles car celles-ci ont été enlevées à la mort de John Lennon en 80, conformément à une tradition japonaise. Cet article est accompagné d'une note manuscrite de Junichi Yore qui authentifie leur provenance. Ce dernier est par la suite devenu un producteur de télé célèbre au Japon. Cette vente aux enchères était privée. Les personnes intéressées sont invitées à contacter le site par courriel ou par téléphone. Selon l'agence de presse Reuters, certaines sources ont indiqué que les offres les plus élevées avaient dépassé le million de dollars américains. Ensuite, les premiers blogs ont vu le jour aux États-Unis il y a 10 ans, selon le Wall Street Journal dans son édition du 14 juillet dernier. Pour les passionnés, Jorn Barger fait figure d'initiateur avec Robot Wisdom, un blog toujours actif aujourd'hui. L'adresse, si vous la voulez, l'adresse est robotwisdom.com. En décembre 1997, Barger indiquait, et je cite, « J'ai décidé d'ouvrir ma page web personnelle et de noter le meilleur de ce que je trouve lors de mon surf quotidien. » L'Oxford English Dictionary, référence des dictionnaires de langue anglaise, considère cette annonce comme l'acte de naissance du weblog ou encore le blog. Le blog peut être défini comme un site Internet individuel ou collectif dont les contenus, liens, textes, images, sons, vidéos, etc. sont affichés chronologiquement et sont susceptibles d'être commentés par les internautes. Le commentaire est important sur le blog, même si plusieurs blogs ont désactivé les commentaires depuis. La mise à disposition en ligne d'outils payants ou gratuits de publications tels que MovableType et Drupal en 2001, Skyblog en 2002, Blogger, WordPress et DotClear en 2003 va démocratiser le phénomène. Chaque internaute avec ou sans connaissances techniques ayant la possibilité d'ouvrir un blog. En mai 2007, Technorati, le moteur des blogs, recensait plus de 71 millions de blogs. Si les geeks sans vie privée ou Nerds Without a Life, ou NWAL, comme on les appelle, font toujours partie de la blogosphère, dit l'article de Cubic.com, le gros des troupes se compose d'adolescents, de jeunes adultes fans ou non de gadgets électronumériques et d'amateurs de recettes de cuisine. L'impact des blogs et plus largement des contenus web générés par les utilisateurs sur des sociétés de l'information et de la communication est indéniable. Quelle multinationale ne drague pas le blogueur influent aujourd'hui? Par ailleurs, la frontière entre blog et journalisme s'estompe et bloguer peut rapporter de l'argent. Voilà. C'est un beau, beau petit document, ça, ce texte-là. Interrogé par le Wall Street Journal, le journaliste et romancier Tom Wolfe, 76 ans, décrit la blogosphère comme un univers de rumeurs, de cris narcissiques et d'informations sans fondement. L'entrepreneuse Elizabeth Spires, 31 ans, refuse d'être aussi catégorique et souligne qu'elle a généré une partie substantielle de ses revenus par le biais du blogging professionnel avec Dead Horse Media qu'elle a fondé. Donc, juste pour rappeler, le site de Cubic.com dit qu'ils ont publié il y a quelque temps un comparatif des plateformes de blog. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur blog.blog.cubic.com. Petite nouvelle en bref, le tribunal de première instance de l'Union européenne a annoncé cette semaine qu'il rendrait sa décision en appel le 17 septembre sur le recours déposé par Microsoft contre l'amende de 497 millions d'euros, environ 714,5 millions de dollars canadiens, que lui avait infligé la Commission européenne pour abus de position dominante. Le dossier n'est pas encore terminé, on va le suivre pendant les prochaines semaines et mois jusqu'en septembre. Et Selon une nouvelle enquête, l'iPhone pourrait s'avérer le produit le plus populaire du 21e siècle. Lightspeed Research a mené une enquête auprès de 39 000 personnes après le lancement du téléphone d'Apple et les résultats sont intéressants. 32 % des personnes interrogées ont signifié leur intention de se procurer un iPhone, dont 8 % se le procureraient dans les 3 prochains mois. 90 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l'iPhone, donc bel job de marketing de la part d'Apple, ce qui démontre bien toute la portée de sa popularité. Les répondants âgés de 44 ans et moins sont plus enclins à acheter l'appareil, plus particulièrement les personnes âgées entre 18 et 24 ans, qui comptent pour 40 % des acheteurs éventuels. L'étude complémentaire a été menée le 5 juillet auprès de 34 000 personnes et indique que la possibilité d'écouter de la musique et des films, d'avoir accès à Internet et aux communications sans fil dans un seul appareil est le principal argument de vente de l'iPhone. Voilà qui fait le tour pour le fil informatique. Plus tard, on va parler du jeu vidéo avec, entre autres, une nouvelle étude sur le jeu vidéo et la santé. Et Ubisoft qui va viser les filles avec sa collection de jeux qui s'appelle Imagine. Mais tout de suite, voici la formation Hell, la formation Eux Autres, avec l'album Hell is Eux Autres et la pièce Écoutez bien tout de suite à la connexion à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. On revient dans deux minutes à C'est Fou 89.1 FM. Deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission qui parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques secondes, on parle de PlayStation, de Sony, de tout ce qui va avec ça, mais pour l'instant, voici une pièce de Plastic Light, un vieux classique assez fou. C'est la boucle à C'est Fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. La vie, c'est comme une courbe. Non, la vie, c'est comme une boucle. Une boucle sans fin. C'est comme quand tu bois une slosh poppy. Sur le verre, tu vois slosh poppy qui vient un verre avec slosh poppy dessus. Qui, lui, vient un verre avec slosh poppy qui vient un verre avec slosh poppy. Viens de verre avec slosh poppy. vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Qui vient de même avec Slosh Poppy. Avec ton une bourse, une bourse, laisse en fin. Aujourd'hui n'est pas différent. Mais que sera demain? Une autre journée à travailler pour gagner notre pain. C'est les premiers recommencements. Il n'y a pas de divin. Si tu attends de l'aide, personne ne viendra. Car dans ce monde de rêve, les pauvres ne comptent pas. Arrête de fabuler, c'est ton plus fort la poche. Si tu n'as jamais pêché, tire-moi la première roche. Il n'y a aucun sauveur, aucun super-héros. Mais l'espoir d'y croire, ah ça c'est beau. La vie est si parfaite quand on est un robot. Recommençons depuis le début. C'est comme un miroir. En fait, c'est comme la maison des miroirs. Ça coûte 4 coupons, et puis ça finit par une glissade. Une longue glissade. On recommence ce que l'on a fait depuis le début, et on y joue son propre rôle. Comme quand tu vois une Slosh Poppy sur le verre, tu vois Slosh Poppy qui vient de verre avec Slosh Poppy dessus. Qui, lui, vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Qui vient de verre avec Slosh Poppy. Trop petite pour tout ce qui y habite. On a assez investi pour explorer la galaxie. T'as quelqu'un temps d'ici. Je déménage pour la vie. Vers une autre planète. Je file comme une comète. Construire une station orbitale. Le prix se répond. Et la vie serait normale. Pulser sur la lune pour comprendre qui s'y va. Les choses qui ne plus, qui ne reviendra pas. Je te dis autrement et de le dire, je n'ai pas peur. Je veux grandir comme bras et vivre à la présence. Pulser sur la lune pour comprendre qui s'y va. Les journées filent comme une lune qui ne reviendra pas. Je veux vivre autrement et le dire, je n'ai pas peur. Je veux vivre autrement et de le dire, je n'ai pas peur. Je veux grimper comme rare et vivre en la pesanteur. On peut s'y sur la lune, sur la lune, sur les jours qui s'y passent. Je veux vivre autrement et de le dire, je n'ai pas peur. Je veux grimper comme rare et vivre en la pesanteur. On peut s'y sur la lune, sur la lune, sur les jours qui s'y passent. Je veux vivre autrement et de le dire, je n'ai pas peur. Je veux grimper comme rare. Depuis le début. Ils servent encore de la mascotte de 7-Up en France. Eh bien. On vient d'entendre Plastic Light avec la pièce La Boucle de leur album Je suis un robot. Très très bon, très vieux classique de C'est fou. Ça joue depuis des années. On adore ça quand ça passe. Hein? C'est bon. Petit fil jeu vidéo, deuxième partie. Maintenant, regardons les nouvelles de PlayStation et de Sony. Donc, suite et espérons-le, fin du rocambolesque feuilleton de la baisse de prix de la PlayStation 3 aux États-Unis, avec cette fois la confirmation par la maison mère de l'abandon de la production du modèle équipé d'un disque dur de 60 gigs, dit l'article de GameCult.com. Après Dave Carracker et surtout Kaz Hirai, qui sont tous deux de Sony of America, le porte-parole de Sony Corp, Satoshi Fukuoka, vient à son tour de corroborer les déclarations initiales de David Reeves de Sony Europe, indiquant que le modèle 60 gig serait vendu jusqu'à écoulement complet des stocks avant de disparaître au profit de la nouvelle version 80 gigs. La firme japonaise avait par ailleurs précisé ces derniers jours qu'elle disposait d'une quantité suffisante de consoles en stock pour alimenter le marché en PlayStation 3 60 gigs dans l'avenir immédiat, ce qui devrait rassurer bon nombre de consommateurs. Donc on rappelle que le modèle 60 gigs est passé à 499$ aux États-Unis, tandis qu'une version 80 gigs accompagnée du jeu MotorStorm est désormais commercialisée au prix de 599$, qui est l'ancien prix. Le nouveau modèle de PSP présenté à l'E3 la semaine dernière sera introduit sur le marché japonais le 20 septembre prochain, selon Bloomberg. Comme l'a annoncé le président Kaz Hirai durant la conférence Sony organisée cette semaine au Japon, la PSP nouveau modèle sera vendue au prix de 19 800 yens, ou environ 120 $ américains, le tarif du modèle actuel. Rappelons que cette nouvelle PSP présente une taille réduite d'environ 19% et d'un poids diminué de 33%, une meilleure autonomie de la batterie ainsi qu'une amélioration substantielle des temps de chargement. Une application supplémentaire permettant de sortir de la vidéo en haute qualité sur des moniteurs externes est également prévue. Et à noter aussi que le modèle permettra de profiter au Japon du service de diffusion OneSeg, comme sur les téléphones portables ou mobiles là-bas au Japon, à condition d'acquérir un accessoire supplémentaire vendu pour environ 40 $ américains. 8 mois après son lancement, la PlayStation 3 a enfin franchi le cap du premier million d'unités vendues au Japon, du moins selon les chiffres de Enterbrain, la société éditrice des magazines Famitsu. Selon les données du magazine, la PlayStation 3 aurait atteint les 1,01 million d'unités au Japon le 15 juillet. D'après ces mêmes chiffres, la Wii totalise au 8 juillet 2,9 millions de consoles, tandis que la Xbox 360 reste en queue de peloton avec 420 705 unités. Précisons que les données de l'Institut MediaQL qui recense les ventes chez les revendeurs japonais annoncées la semaine dernière, presque 1 million de PlayStation 3 vendus contre 2,9 millions de Wii, chiffre arrêté le 15 juillet dernier. Selon un chercheur de l'université Heriot Watt de Édimbourg, les nouvelles manettes et autres gadgets des consoles de jeux vidéo, par exemple le iToy, demandent d'utiliser plus que les mains et donc de faire des mouvements qui permettent de brûler jusqu'à 300 calories en une demi-heure, l'équivalent d'une heure de marche rapide. De son côté, un professeur de l'université John Moores à Liverpool a constaté que l'utilisation de la Wiimote et du Nunchuck de la Wii pouvait contribuer à la pratique d'une activité physique chez les jeunes. Donc voilà une première enquête qui confirme les bénéfices pour la santé de la Wii. On peut faire un lien direct, dit Bruno Guglielminetti de Radio-Canada. On fait un lien direct entre l'utilisation des manettes de la Wii et un impact sur le rythme cardiaque et la dépense énergétique des enfants, ce que les détenteurs de Wii savaient évidemment déjà. Hein? Enfin, quelque chose de bon à dire sur les jeux vidéo. Il était quand même un petit peu temps. L'Entertainment Software Rating Board, le ESRB, veut faire appliquer ses directives le plus correctement possible, elle qui a essuyé de nombreuses critiques ces dernières années. Or, aujourd'hui, on a la preuve, alors que l'association s'en prend au studio 3D Realms, qui ne respecte pas les règles de l'organisme sur son site web. Selon chaque news, 3D Realms a reçu la semaine dernière une lettre de l'ESRB dans laquelle l'organisme accuse le studio de violer ses termes et conditions via une trentaine d'infractions sur son site web. Parmi celles-ci, on peut noter la présence d'icônes n'étant plus actives au sein de l'ESRB, ainsi que l'absence d'éléments descriptifs comme la mention nudité ou bien sang au sein du jeu. Donc, si vous n'avez pas encore compris, l'ESRB, c'est ceux qui appliquent les petites icônes en bas de vos boîtes de jeux vidéo qui disent, par exemple, côté M pour mature, côté ci, côté ça. L'ESRB a spécifié à 3D Realms que le studio n'avait que 10 jours pour remédier à la situation, sans quoi il ferait face à des pénalités dont le degré de sévérité est variable. En effet, les pénalités dépendent de la sévérité et de la fréquence des infractions et peuvent n'être que de simples avertissements jusqu'à la suspension temporaire de tous les services de notation de l'organisme pour les produits de la firme et des amendes. 3D Realms s'est montré très déçu envers l'attitude de l'organisme, allant même jusqu'à affirmer que s'il savait ce qu'on dit tout bas à son propos, il saurait que son attitude lui a fait perdre beaucoup de confiance en tant que chef de file dans l'industrie du jeu vidéo. Le SRB s'est quant à lui contenté de répondre que son devoir était d'assurer que le consommateur ait facilement accès à une information fiable à propos des jeux qu'il prévoit acheter et que ces jeux se doivent d'être mis en marché et étiquetés de façon appropriée. Toujours cette semaine à l'E3, tiens, Ubisoft a dévoilé une nouvelle bannière de jeux vidéo qui s'adresserait surtout aux jeunes filles de 6 à 14 ans, intitulée Imagine. Cette série vise donc à répondre aux besoins d'un marché bien précis, les filles. Ubisoft a déjà annoncé 5 jeux sur Nintendo DS, dont 4 seront lancés dès cet automne. On parle de Imagine Fashion Designer, Imagine Animal Doctor, Imagine Babies, Imagine Master Chef et Imagine Figure Skater. Donc, ils sont tous en développement. Seul le dernier, le patinage artistique, ne sera pas lancé cette année, mais bien l'année prochaine. Imagine Fashion Designer va permettre aux joueuses de devenir des designers de mode de Manhattan. Imagine Animal Doctor placera les filles dans la peau d'une vétérinaire qui doit s'occuper d'animaux. Puis, les joueuses devront carrément jouer le rôle d'une mère dans Imagine Babies, car elles seront appelées à élever des enfants virtuels. Et de son côté, Imagine Master Chef donnera l'occasion de créer des recettes en combinant des ingrédients avec le stylus ou le stylet de la Nintendo DS. Les mini-jeux vont aussi être de la partie. Et pour Imagine Figure Skater, les filles vont incarner une championne qui doit trouver l'équilibre entre l'école, les amis et l'entraînement de patin. Voilà. Toujours au sujet de Ubisoft, ils ont annoncé cette semaine qu'ils n'ont plus d'action au sein du studio Gameloft, qui se centre principalement sur le développement des jeux pour téléphone portable. Donc, la firme française a vendu toutes les actions qu'elle possédait dans le studio à la banque Caléon, Crédit Agricole Group, pour un montant approximatif de 81,3 millions d'euros. Donc, l'entente conclue entre les deux firmes stipule que la banque devra vendre ses actions dans Gameloft d'ici 24 mois. Selon le PDG de Ubisoft, Yves Guillemot, cette entrée d'argent permettra à Ubisoft d'investir davantage dans ses plans d'expansion et de saisir toutes les opportunités de croissance qui lui sont offertes. Néanmoins, Ubisoft et Gameloft vont continuer leur prolifique collaboration dans le futur, la compagnie française étant fort intéressée par le développement de ses franchises sur portable. Gameloft et Ubisoft ont collaboré sur de nombreux titres dans le passé, le plus récent étant Prince of Persia Classic offert via le Xbox Live Arcade. Voilà. Un adolescent britannique qui a acheté une Sony PlayStation 2 sur eBay pour 194 $ américains a reçu plus qu'il croyait recevoir quand il a ouvert le paquet. À la place d'avoir une belle petite console PlayStation 2, eh bien, il y avait un gros paquet d'euros. 90 000 dollars ou 65 400 euros, bon, pour être précis, empilé bien proprement à l'intérieur de la boîte. Un porte-parole pour eBay dit que le contenu du paquet était un peu inhabituel, vraiment, mais qu'ils aideraient la police pour trouver pourquoi c'est arrivé. Quand le paquet est arrivé le 20 mars dernier, les parents du garçon ont contacté le constabulary de Norfolk, j'imagine que c'est comme la police, qui maintenant garde l'argent avec eux sous le Proceeds of Crime Act. Et si le propriétaire ne se fait pas connaître d'ici le 22 septembre, alors la famille pourra appliquer pour que l'argent leur soit retourné, sauf si la police décide de garder l'argent pour une plus longue période de temps. Enfin bon, donc quand même une drôle d'histoire. T'arrives sur eBay, t'achètes une PlayStation 2 et tu reçois des milliers de dollars. Qui ne rêve pas que ça leur arrive? Hein? Moi, je pense que Metric pense à ça, moi. Ouais, Metric. Avec de leur album Grow Up and Blow Away, voici la pièce. Grow Up and Blow Away. C'est ça. À la connexion. L'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Get her a type of ride. Metric avec Grow Up and Blow Away, la pièce titre de leur nouvel album, et c'est sur les palmarès anglophones de C'est Fou cette semaine. Maintenant, c'est l'heure de faire Autour du Net. Autour du Net, le meilleur de ce que j'ai trouvé cette semaine sur Internet. On commence par une page qui est très, très, très, très, très populaire sur DIGG.com, qui est un site où les gens peuvent voter pour leur nouvelle préférée. Donc, c'est thebestpageintheuniverse.net/paquet d'affaires avec le iPhone, en tout cas. Allez voir le unechance.com pour l'adresse. Mais en gros, c'est le iPhone est un gros morceau de caca. Et toi aussi, c'est pas mal ce que ça dit. Donc, dans le fond, c'est un gars qui a fait un éditorial sur l'iPhone. Le gars, il dit « Non, je vais pas m'acheter d'iPhone. Arrêtez de m'envoyer des courriels à ce sujet-là. Je vais pas en acheter un parce que j'ai déjà un téléphone qui est mieux que ça. C'est le Nokia E70, qui est le meilleur téléphone à jamais avoir été inventé. » Donc là, il avance ses arguments, là. Disant que l'iPhone, c'est une espèce de crotte qui arrête pas de faire des traces de doigts quand tu pèses dessus, puis tout ça. Puis là, il montre le fait que le E70, c'est un clavier complet, que tu peux ouvrir le téléphone. Puis là, ben, il montre que t'as pas besoin de changer d'option pour avoir les symboles, que tu peux juste faire la touche que tu veux. Et puis, il a fait un beau petit paquet de graphiques, tout ça. Il dit que Steve Jobs, lors de la conférence de presse sur l'iPhone, disait que l'iPhone, c'était trois appareils différents, là. Il disait que c'était un iPod, un téléphone et un appareil de communication Internet. Et bien, le gars avance en disant que moi, mon ordinateur, de bord, mon laptop, ben, de bord, c'est une horloge, c'est une calculatrice, c'est un appareil de communication Internet, c'est un téléphone, c'est un appareil pour emmagasiner de la pornographie, c'est un lecteur vidéo, c'est un traitement de texte, c'est un iPod aussi. Donc, dans le fond, le gars rit du iPhone. Allez voir la liste de... C'est drôle, je trouve ça bien. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. En fait, je me rappelle pas exactement combien de gens, mais je vais aller vous dire exactement. Je crois que c'est des milliers de milliers de gens. Si on clique sur les plus populaires depuis les 7 derniers jours, c'est présentement, en tout cas, hier soir, ça l'était, l'article le plus populaire de tout Internet. Oui, c'est ça, 12 218. C'est le plus populaire encore aujourd'hui, donc allez voir ça sur lunechance.com. La nouvelle vedette de l'Internet, Glazastic, nouveau héros d'Internet. Les Russes aiment bien faire de gens bien normaux, là, des vedettes sur Internet. Okay? Donc, ils prennent des gens ordinaires ou des gens extraordinaires, dans certains cas, dans les médias. Donc, l'exemple ici, c'est pendant une période de temps, la vedette, c'était Chumazik, un travailleur dans une usine, un gars qui était sous. La vidéo est sur Internet et dans l'article aussi, si vous voulez aller voir ça, c'était en 2005. Et bien maintenant, c'est une autre histoire. C'était pendant une conférence de presse du président russe Vladimir Poutine. Ça s'est passé pendant le sommet du G8. Donc, un jeune homme a commencé à jeter de la propagande, des papiers de propagande comme ça. Et puis voilà, ben en fin de compte, le gars est devenu une vedette. Je sais pas si c'est lui exactement, mais en tout cas, un gars avec des gros yeux. On peut voir la vidéo de la conférence de presse et aussi des GIFs animés et des JPEG de gens qui ont trafiqué des photos de cet événement-là pour donner des gros yeux à plein d'autres mondes et faire des choses vraiment, vraiment divertissantes avec ça. Donc, allez voir le unechance.com, c'est sur le site englishrussia.com. C'est la nouvelle vedette de l'Internet. Ah, c'est vrai. Une autre chose que j'ai vue sur dig.com, 2674 digs pour une photo qui s'appelle « The Art of Cropping for MySpace ». Donc, vous savez, sur MySpace, on voit tout le temps des photos de n'importe qui, là, des photos de vous et moi, de filles que vous voulez croiser. Il y a des gens qui croppent des photos qui sont pas nécessairement attrayantes et qui réussissent à la découper et la rendre attrayante. Donc, c'est ce qu'on voit dans la photo que j'ai postée. Je vais vous garder la surprise. Allez voir la photo d'une fille qui m'a l'air très, très jolie. Ben, elle est jolie quand même, mais en tout cas, voyez qu'est-ce qu'elle a croppé de sa photo. J'espère que c'est vrai. Si, c'est drôle. Est-ce que vous aimez Harry Potter, mais vous êtes trop vieux ou trop cool pour le lire? C'est ce que demande l'article de pointlesswasteoftime.com. Donc, ils ont la solution pour nous. C'est d'imprimer ces fausses jaquettes de livres et lire Harry Potter devant vos amis au strip club. C'est ce que l'article dit. Donc, c'est Hide Your Potter avec ses jaquettes de livres. Donc, par exemple, Jake Rowling's Death Hall ou Memoirs of a Shark Fucker ou encore Mech Dead, le nouveau roman de l'auteur de Harry Slaughter et Muscle Max. C'est tellement beau. Allez voir. Donc, c'est des couvertures de livres que vous pouvez imprimer et mettre par-dessus votre livre de Harry Potter si vous avez trop honte de le lire en public. Le fabricant de mélangeurs BlendTec vient encore de se surpasser en passant au mélangeur, au malaxeur, un iPhone. Donc, le fabricant a déjà passé à la moulinette un iPod, un transformer et même un tuyau d'arrosage. Est-ce que le mélangeur a réussi à broyer le iPhone? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder la vidéo. Et l'article de Radio-Canada dit de surtout ne pas essayer ça à la maison. Je crois qu'on a même du volume là-dessus. Blind Tech présente. Est-ce que ça va se mélanger? Avec Tom Dixon. Bon. Donc. I love my new iPhone. It does everything. Okay, on va avancer un petit peu plus loin. Hein? Mm-hmm. Here's the question. Je vais faire. Oh! Ouais, ça a l'air de se malaxer en fin de compte. Est-ce que ça se malaxe? Ouais, ok, là. D'accord, donc je vais vous laisser aller voir ça par vous-même, mais l'indice veut que je pense que ça se malaxe. J'ai l'impression. Tiens, regardons l'Internet d'aujourd'hui avec le furteur d'hier. Donc, c'est le site downloadsquad.com qui nous propose de faire ça. Vous n'avez pas à installer ni Mosaic, ni Netscape 1.0, ni Explorer 2. Vous avez juste à aller sur Déjà Vu, Browser Emulator, choisir votre poison et regarder de quoi l'Internet avait l'air dans ce temps-là, ou au moins l'Internet d'aujourd'hui, tel que vu par un furteur d'hier. Donc, allez voir l'article « Looking at today's Internet using yesterday's browser » sur le www.unechance.com. J'ai aussi posté une vidéo, et là, c'est vraiment vrai. C'est une vidéo de l'Internet tel qu'il avait l'air en 1994. Donc, vous n'avez pas besoin de iPhone pour y aller. Juste aller voir sur l'article « This is what the web looked like in 1994 ». Donc, le web, dans ce temps-là, c'était, dans le fond, si on veut, du texte avec un petit logo à l'occasion et une photo sur un arrière-plan plutôt straight. C'est une vidéo promotionnelle de 1994. From Georgia to Palo Alto. From Oslo to Singapore. Et il y avait des photos, c'est vraiment beau. Donc, allez voir ce petit vidéo-là si vous voulez vous renseigner sur ça. De quoi ça avait l'air dans ce temps-là? Les nostalgiques, là. Et puis, plus rapidement, j'ai posté une vidéo de comment enlever un bouchon de liège dans une bouteille de vin. Donc, le gars nous montre littéralement comment mettre un bouchon dans une bouteille de vin et comment l'enlever. Ça demande un sac de plastique et un petit peu d'air de vos poumons. Donc, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Je trouvais ça vraiment cool. Une autre vidéo qui vous montre comment fabriquer une station de recharge pour vos appareils en utilisant une boîte de plastique de chez IKEA. Donc, dans le fond, le gars vous montre comment prendre la boîte, faire des trous, mettre tous vos chargeurs et une power bar à l'intérieur, brancher ça dans le mur, passer des fils à travers les trous, et à partir de là, votre boîte sert de station de recharge. Et je trouvais que l'idée était très, très bonne. Ça coûte environ 3$ peut-être si vous avez déjà le matériel comme une boîte de plastique avec un couvercle. Donc, allez voir ça. Ça s'appelle IKEA Charging Station. Et puis voilà qui fait le tour pour ce que j'ai trouvé cette semaine sur Internet. N'est-ce pas génial? On s'en va entendre. Oh oui, on passe à notre série en concert cette semaine. Oh, on est rendu à la pièce numéro 17 de 22. On est vraiment très, très près de la fin. Et je vais vous donner un indice sur la prochaine série en concert. C'est seulement dans quelques semaines, mais ça va être a cappella. C'est l'indice que je vous donne. Cette semaine, on écoute donc la 17e pièce de cette collection qui en comporte 22. Voici Rotaka avec Ocean Pollen. Et si vous voulez écouter la série au complet, la télécharger les jaquettes pour faire votre propre CD, allez voir le Doom, doom.ocremix.org, ou passez par le www.unechance.com qui est le site de l'émission. Tout de suite, on termine la première heure. Voici Rotaka avec Ocean Pollen à la connexion à C'est Fou 89.fm. We'll be right back. 17e partie de la série en concert Doom The Dark Side of Phobos. Pour plus d'informations, allez voir le doom.ocremix.org. Dans la deuxième heure, on parle de technologie et le bloc à lien. Tout ça dans la deuxième heure de la connexion à C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Restez là. On commence tout de suite la 18e partie de la série en concert Doom the Dark Side of Phobos avec Hemophiliac et Pixie Trix. Voici Aria of the Damned à la connexion à C'est fou 89 FM. Hearing the same old crap, well, have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube. From a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize the same time. Sorry Miss Jackson. Almighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls out the door. You put your name on this paper, cause I would love to date you. Holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Get Old Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie informatique et de jeux vidéo à CFU89.fm. Juste avant la pause, hein, c'était la partie numéro 18 de la série en concert Doom the Dark Side of Phobos. Si vous voulez plus d'informations et télécharger la collection complète, allez voir le doom.ocremix.org ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. En gros, c'est la musique originale de Robert Prince reprise par des gens comme vous et moi de la communauté de ocremix.org qui ont repris la musique, qui ont fait un genre d'orchestration absolument géniale avec ça. C'est très, très bon. Et vous pouvez télécharger toute la musique et faire votre propre jaquette. Donc, c'est un beau petit projet de fin de semaine. Dans quelques minutes, c'est le bloc à lien. On va prendre des nouvelles qui se relient l'une avec l'autre. Mais pour l'instant, voici une nouvelle entrée de Jacques Mort sur le palmarès francophone de C'est Fou. Voici Feu Follet à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Du soir au matin, sans trop savoir, je ne sens suivre un chemin. I'm not afraid of the dark. Jacques Mort avec Feu Follet. C'est une nouvelle entrée du palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Et c'est excellent, Jacques Mort, n'est-ce pas, Froum? Oui, c'est très, très bon. Ça ressemble beaucoup à... Malajube, le groupe favori de Mathieu. Et voilà, ben, y a beaucoup de groupes qui s'inspirent de Malajube depuis quelques temps et ça me rend particulièrement heureux. Je sais que toi, t'aimes moins ça, qui copie Malajube, mais... Ouais, moi, j'aime mieux l'original. Moi, ça me fait plus de pièces à aimer, si tu vois le genre. Non. Bon. Donc, c'est l'heure du bloc à lien, François-Olivier Marchand, qui vient de se joindre à moi. Excellent, excellent. Le bloc à lien, c'est des nouvelles qui s'entrelient. C'est comme un hyperlien, c'est comme un hypertext markup language. Wow. C'est comme du RAM USB full supply. OK, donc, les résultats d'une étude réalisée indiquent que si les employés fermaient leur ordinateur en quittant le soir, il pourrait en résulter des économies de presque 2 milliards de dollars. Par année? Par année. Des économies annuelles de presque 2 milliards. Cette étude menée par 1E dans le cadre de sa Synergy Awareness Campaign révèle que des 104 millions d'ordinateurs utilisés dans les bureaux aux États-Unis, au moins 31,2 millions demeurent allumés toute la nuit, dont ceux de ces fous gens. Si tous les ordinateurs de bureau des États-Unis étaient éteints le soir, il en résulterait une réduction des émissions de CO2 comparable au retrait de toutes les voitures enregistrées dans l'État du Maryland aux États-Unis. C'est gros. Le rapport d'étude ajoute qu'une entreprise possédant 10 000 PC pourrait économiser annuellement 165 000 $ en coûts d'énergie. Et dans tous les États-Unis, ça représente 1,77 milliard de dollars et presque 15 millions de tonnes de CO2. Ça vaudrait la peine? Je pense que oui. Ça vaudrait la peine. Est-ce que je peux te poser une question, Mathieu? Est-ce que, dans le fond, le fait que les ordinateurs restent allumés, ça peut endommager l'ordinateur ou... C'est un débat qui dure depuis des années et des années. Dépendant à quel expert tu demandes, il va te dire une réponse différente. À toi? Ben, moi, en tout cas, je le fais depuis des années puis il n'y a jamais eu de problème. En tout cas, à date. Ouais, le seul... Je vais être bien honnête. Je vais faire une petite tranche de vie, OK? On croit que mon power supply vient de péter dans mon ordi parce qu'il ne veut plus allumer. À cause des... Ça fait depuis avant-hier, OK? Il y a eu des éclairs dans la nuit d'avant-hier, je crois. Donc, moi, je me dis, si tu veux l'ouvrir, le laisser ouvert toute la nuit, ça va si tu es sûr qu'il n'y aura pas d'éclairs. Parce que je pense que s'il y a des éclairs, des risques d'éclairs, t'es peut-être mieux de le fermer. Moi, je dirais, comme pour ces fous, je dirais que peut-être que la dernière personne qui quitte le bureau le soir pourrait se permettre de fermer les ordi. Oui. Ou si tu t'en vas avant le travail, tu peux le fermer toi-même. T'sais. Je crois que ça vaudrait la peine. Ouais, ce serait une bonne idée. Au moins pour la nature, pour l'environnement, et puis pour les risques de péter un ordinateur. C'est peut-être ça qui a pété le disque dur d'un de nos collègues ici à Sydney. Ouais, peut-être. Tranche de vie encore. Disque dur pété, power supply pété dans la même semaine et une semaine d'éclair, c'est un peu louche, hein? Il va falloir tenir compte de ça. Mais merci pour ta réponse. Ça m'éclaire. Ça me fait plaisir. Donc, il faut cependant soupeser ces résultats, dit l'article, en tenant compte de la perte de productivité potentielle, d'accord? Et là, regardez bien. Non, je sais. En effet, de nombreuses entreprises profitent du temps où les ordinateurs ne sont pas utilisés la nuit pour effectuer les mises à jour logicielles nécessaires au bon fonctionnement de leur parc informatique. On pourrait dire aussi que ça enlève la productivité pendant au moins 30-45 secondes à chaque démarrage et à chaque... ça prend juste un démarrage, dans le fond. Par jour, absolument. Par jour. On peut se permettre le 10 cents de salaire que ça vaut pour... Ben pour économiser, dans le fond, 2 milliards et voilà. Par année, et puis toute la Maryland sans auto. Et l'article continue en disant qu'à l'avenir, il faudrait peut-être mettre au point de nouvelles méthodes de mise à jour plus rapides pour ces entreprises-là. D'ici là, les entreprises plus vertes disposent d'une façon de plus de prouver leur conscience écologique. Peut-être qu'on pourrait devenir la radio verte de Trois-Rivières. La radio verte de Trois-Rivières, c'est un bon slogan, ça. J'aime ça. Donc, le lien, là, on est dans le bloc à lien, pour ceux qui ne suivent pas depuis tantôt, le lien est... Attention... Peut-être pas besoin de fermer les ordinateurs quand les ordinateurs se ferment tout seuls. C'est ce qui s'est passé à Montréal cette semaine, alors qu'environ 30 000 internautes de l'île de Montréal ont été privés d'Internet cette semaine. Réveil brutal pour des internautes de la région de Montréal qui se sont vus privés d'Internet d'environ 7h30 à 14h45. La panne a touché des clients de Bell et des clients des revendeurs des services Internet haute vitesse utilisant l'infrastructure de Bell. Donc, les fournisseurs de services B2B2C.ca, Radioactif.com, AUI.ca et Total.net ont tous été touchés. Entre autres, le bris d'une pièce dans une centrale de Bell de l'ouest de Montréal serait à l'origine de la panne. Le bris se serait produit durant la fin de semaine. Le service est ensuite dégradé graduellement jusqu'à la paralysie totale des systèmes résidentiels et commerciaux. Les fournisseurs touchés avec qui branchez-vous.com a communiqué ont assuré que le service est maintenant revenu, mais là, ça fait quand même quelques jours. Donc, des fois, pas besoin de l'éteindre toi-même, t'sais. Ouais. Il s'est passé la même chose avec Vidéotron plus tard dans la semaine. C'est arrivé, c'était le jeudi 19 juillet. Après la panne de chez Bell, c'est maintenant au tour de Vidéotron de connaître des ennuis techniques. Selon les lecteurs du carnet techno de Radio-Canada, la panne serait survenue mercredi le 18 dans les services d'accès Internet, de courriel et de téléphonie Internet de Vidéotron. Donc, le lien de ça vers les gens qui ont paniqué en n'ayant pas d'Internet, parce qu'il y en a qui sont dépendants de ça. Hein. Oui, oh, mais leur travail ou... C'est ça, ça peut être leur travail, mais ça peut être dans leur loisir aussi. Moi, tu sais, ça fait une bonne quinzaine de jours que j'ai plus Internet et je capote. T'sais. Mais loisir, c'est moins pire. T'sais. On peut s'entendre là, que tu peux vivre sans aussi. C'est là. Ça. C'est moins dramatique. C'est moins dramatique. Sauf qu'en Chine, le gouvernement chinois vient d'adopter une nouvelle loi afin de combattre plus vigoureusement la dépendance des adolescents aux jeux vidéo sur Internet. Les compagnies qui conçoivent des jeux vidéo devront dorénavant installer dans leur logiciel un petit programme qui limite à 3 le nombre d'heures que peuvent passer les adolescents devant l'écran d'ordinateur. Il va y avoir un timer dans les jeux. Trois heures. Après les 3 heures, le programme va indiquer au joueur qu'il doit maintenant aller faire de l'exercice physique. Si l'adolescent persiste à jouer, il va pouvoir continuer, mais son pointage va être retranché pour chaque minute supplémentaire qu'il passera devant l'écran. Afin de différencier les adolescents des personnes adultes, le programme va exiger de l'utilisateur qu'il entre un numéro qui se trouve sur sa carte d'identité. Cette nouvelle loi s'inscrit dans un ensemble de mesures destinées à promouvoir une utilisation responsable d'Internet. Le gouvernement chinois a également annoncé récemment qu'il n'émettra plus de permis pour l'ouverture de nouveaux cafés Internet sur son territoire d'ici la fin de 2007. Selon le journal chinois National Business Daily, 10% des 30 millions de joueurs en ligne du pays seraient des adolescents en bas de 18 ans. Mais c'est une loi? Une loi. En Chine? En Chine. Oh, hey. C'est quelque chose, je pointe de quoi? Moi aussi, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange, mais... C'est ça, le gouvernement chinois, je sais pas s'ils ont besoin de passer en tant que tel des lois. Je suis pas sûr, en tout cas, je pourrais pas m'avancer, mais c'est adopté, c'est une nouvelle loi en vigueur maintenant. Donc, sur chaque ordinateur qui se retrouve en Chine... Non, chaque logiciel. Logiciel, okay. C'est des compagnies qui conçoivent les jeux vidéo qui vont devoir installer ça, c'est pas les manufacturiers d'ordinateurs. Pour distribuer en Chine. Seulement en Chine, c'est ça. Pour l'instant. Un jour, peut-être. On n'est pas très totalitaire. En tout cas, je ne peux pas dire que je compte la philosophie derrière ça, de vouloir pousser les gens à faire l'exercice, mais de là à les forcer et à retrancher leur score. T'es pas, puis tu sais, des jeux vidéo là, en Chine aussi, là, ça existe, là, les Xbox, là, c'est pas exact. Juste au Canada. Là. Ben non. Parle-moi de ça, Mathieu. Ben c'est ça, je te parle de ça. C'est des bonnes nouvelles. En tout cas, ça pourrait être un débat assez... toi, qu'est-ce que t'en penses pour vrai? Tu dirais vraiment que c'est fou de faire ça puis tu irais les tirer, c'est ça? Non, on n'est pas violent même. Je ferais une manifestation, là. Je bloquerais des rues, des ponts, là. S'ils venaient faire ça au Québec, tu signerais une pétition pis tout ça. Non, mais ils peuvent pas faire ça ici. Non, ils peuvent pas, sincèrement, là, c'est... Puis, malgré que moi, dans le fond, je joue pas vraiment sur Internet, toi. Je sais pas. Sur Internet, c'est des petits jeux passifs, là, et non pas des jeux passifs. World of Warcraft. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, 3 heures de jeux passifs. C'est assez, ça. Ouais. Tu t'en apprends un petit bout. Qu'est-ce que tu suggérais comme alternative à ça pour suggérer aux gens de jouer moins longtemps sur Internet? Ouais, tu peux faire une campagne publicitaire, dans le fond. Qui engloberait dans le fond les pour et les contre, informer la population, mais tu sais, légiférer sur une question comme ça, c'est très autoritaire. C'est ça. Au moins informer les gens, ça serait une campagne un peu comme ils font avec l'alcool au volant, t'sais. Juste une campagne publicitaire pour sensibiliser, peut-être à mettre un petit peu d'émotion dans le sujet, parce que la prochaine nouvelle, c'est le bloc alien. Vas-y. Ça a rapport avec ça. Donc, les autorités américaines disent qu'un couple de Reno dans le Nevada était tellement obsédé par les jeux vidéo en ligne qu'ils ont laissé leur bébé seul jusqu'à temps qu'il meure du fait qu'il n'a pas été nourri. Ouais, mais c'est le même problème comme dans le jeu ou dans les jeux d'hasard, on s'entend. C'est ça, c'est pareil comme le gambling. Oh ouais. Selon le Sunday Telegraph, les parents ont plaidé coupables... Plaider coupable? Comme après avoir négligé leur enfant, c'est un petit peu difficile à traduire. Négligence parentale, genre. Leur bébé avait 22 mois, c'est un garçon, et leur fille de 11 mois ont été trouvés. Ils sont pas morts en fin de compte. Ils ont été retrouvés très, très, très proches de la mort, c'est ce que l'article le dit. La fille pesait 10 livres. Quel âge qu'elle avait? 11 mois. 11 mois du lit. Ouais. Ben, j'ai jamais été fort avec les poids, là, mais. C'est moi non plus. La police dit, et là j'essaie de traduire, là, la police dit qu'ils ont dû raser sa tête parce que sa tête était remplie d'urine de chat. La tête du bébé était remplie d'urine de chat. Elle a aussi souffert d'infections à la bouche, de peau sèche, de déshydratation sévère. son frère a été traité pour, c'est quoi, starvation? Crevation de faim. Ouais. Il crevait de faim, donc. Infection génitale, et à cause du manque de développement des muscles, il avait de la difficulté à marcher. Donc, les enfants, maintenant, vont mieux et reprennent du poids dans une famille d'accueil. Leurs parents sont Michael Straw, 25 ans, et Lana, Yana Straw, 23 ans. Ils font face à 12 ans en prison, potentiellement. Pour un jeu? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Les prosécuteurs, comme ils appellent dans l'article, disent que le couple était trop distrait parce qu'ils jouaient à Donjons et Dragons en ligne. Donc, ils ne voulaient pas prendre soin de leur enfant. Ils avaient de la nourriture, mais ils ont choisi de ne pas la donner à leurs enfants parce qu'ils étaient trop occupés à jouer aux jeux vidéo. Straw est un. Yana Straw, la fille, était une caissière sans emploi. Donc, c'était pas une caissière. Non, c'est ça, le gars. Le gars, c'est un caissier sans emploi. Oh. Le gars. Non, c'est ça, il était sans emploi, donc il était pas tellement caissier. Mais c'était sa carrière quand même. Sa femme travaillait dans un entrepôt pour une agence de je sais pas trop quoi. Le couple aurait dépensé 50 000 $ d'argent dont ils avaient hérité. Ouais, c'est ça. Ils avaient hérité de 50 000 $ et ils ont acheté des équipements d'ordinateur et une télévision placement. Ça, on aura tout vu. On aura tout vu. Et puis voilà, ça fait le tour du bloc alien. Je pense que c'est assez. Ouais, ouais, on a assez. Assez de bonnes nouvelles GM pour aujourd'hui. tantôt, on va parler entre autres d'un gars qui est fâché contre son opérateur de téléphone cellulaire et qui a décidé d'attaquer la compagnie en char d'assaut. On va aussi parler de gadgets, tout ça plus tard. Mais avant, voici une pièce de Hot Chip, Chiparian, à La Connexion. L'émission qui parle de quoi, donc? De La Connexion. De l'émission qui parle de La Connexion, c'est ça? Non, mais d'informatique et de jeux vidéo. C'est fou. C-F-O-U. C-F-O-M, c'est FOM. C'est FOM. C-M-A-T, c'est la meilleure radio au monde. I'm looking for a face to attack. It could be that I'm kissing your neck. You will not know because I'm laid back. So watch yourself, I come with a smack. I've hit you hard, it's time for some bounce. I've left the scar, there's blood in our dance. I'll rock the club, strophobia stunts. Now fix yourself, your heart's in my lungs. Sip on something sleepy. Wanna get a little overdose. Sip on something sleepy. Wanna get a little overdose. Sip on something sleepy. Wanna get a little overdose. Don't sip on something sleepy. Wanna get a little overdose. What can you find in parade? What can you find in a rave? What can be drunk in a dream? Technologique à La Connexion à CIFU 89.1. FM. Dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Foam et MP de Sans Pression. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. On se fait la vague. Ouh. Hey, bel été. Bel été, ouais. Pas pire. On s'amuse. On a du fun. Ben, pas tout à fait d'accord, mais. Pieds sur le sable, les yeux dans l'eau, les pieds dans l'eau, les yeux sur le sable, je sais plus trop. Ouais. On fait quelque chose du genre, en tout cas. On essaye. Puis, sais-tu ce qu'on fait aussi? Non. On fait tous les robots à l'Académie de la Baroque Machine. Oh yeah. Non? Oui. La vague, le robot? Non, pas la vague. Les pieds dans le sable, les yeux dans l'eau. Hélène. Hélène. Vague voisine. Vague voisine, ouais, hey, tu l'as eu. T'as compris ma référence, toi? Machine. La Baroque Machine. Avec Robot Academy. Robot Academy. L'album, c'est pas plus. C'est pas plus, l'album. Non, non, non. C'est pas plus. C'est pas plus que ça. C'est ça. Très drôle. Très drôle. Hey, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à la radio en Mauricie au 89.fm et partout au pays sur cifou.ca. Bon, j'étais là partout dans le monde. Bon, donc, regardons un petit peu. J'ai sauté quelques chroniques depuis le début de l'émission. C'est la tradition qui se poursuit depuis des années. Les chroniques, j'oublie tout le temps de les faire. Tu me déçois, Mathieu. Cramons-les dans un même bloc, d'accord? Allons. Regardons les mots-clés les plus recherchés sur Google aux États-Unis pour cette date aujourd'hui, qui est le 19 juillet, en direct comme ça le jeudi matin. Le numéro 1, c'est Emmy Nominations. Les nominations aux Emmy ont été annoncées, donc voilà. C'est très, très, très populaire. Au moins, ça fait changement. C'est ça, de tout ce qu'il y a d'habitude, les vedettes de Playboy en première position. Le mot asbestos est en 25e position, c'est étrange. Asbestos. En 12e position, critique de Harry Potter dans le New York Times. D'accord. Le Open Championship est en 7e position. Et puis le British Open est en 3e. Wow. Et la compagnie d'avion Virgin America est en 2e. Donc, oh. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît étrangement dans le top 25. D'habitude, c'est n'importe quoi. Ah, critique de Deathly Hallows. Harry Potter est très, très prisé sur le top de Google en ce moment. Ensuite, si on regarde un petit peu sur la toile du Québec, les mots-clés les plus recherchés au Québec, c'est toujours très intéressant. Hotmail? Hotmail est là, en 5e position, en baisse. Mon Dieu, incroyable. En 4e, remontée pour les PAC. En 3e, descente pour l'Auto-Québec. En 2e, remontée pour Météo Média. Et en 1e, c'est toujours Horoscope. Échange de place. C'est bizarre, c'est comme les... Ils sont tous échangés de place, mais ils sont tous restés dans le même paquet du top 5. Bizarre. Ensuite, regardons un petit peu les nouveautés en magasin cette semaine. De la part de Hard Gamers, ça t'intéresse toujours, t'as de l'argent à dépenser, tout est un riche. Moi, je me demande ce que je fais toujours avec mon argent. Je la place. C'est ça. Regardons un petit peu. Donc, sur les multiplateformes, sur PS2, PS3, Xbox et Xbox 360, on retrouve NCAA Football 2008. Un jeu de football, j'imagine. Ouais. Collège américain, ça? L'université? NCAA, ouais, il me semble que c'est peut-être collégial. Tandis que du côté de la PlayStation 3 et Xbox 360, on retrouve All-Pro Football 2008. Oh! Ouais. Sur Game Boy Advance, le jeu Le Banquier, Deal or No Deal. Ouais, pour vrai? Sur PC, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, ou comme on l'appelle, Gouard. Ça, c'est sur quelle console? Sur PC. PC? Toujours sur PC, Sid Meier's The Civilization 4 Gold Edition, et puis Ride Carnival Tycoon, un autre jeu dans la série des Tycoons. Sur PlayStation 2, Rugby 08, un jeu de rugby, c'est rare. Et Hot Shots Tennis, beaucoup de sport cette semaine. Ouais. Sur PSP, Tales of the World, Radiant Mythology et Parapara Rapper. J'adore Parapara Rapper, c'est tellement un jeu de fun. Hey, j'ai joué à ça. C'est comme des figurines qui dansent. Très très beau visuellement. C'est bizarre. Ça ressemble à un dessin animé. Ouais, c'est ça, ça fait changement là, comparativement à beaucoup d'autres jeux. Là. On dirait un jeu pour enfants, mais... Ouais, j'ai... C'est pas tellement un jeu pour enfants. Je me rappelle de mon souvenir. Tiens, regarde un petit peu ce qui s'est le plus loué en Super Club Vidéotron cette semaine. En 5e position, c'est Mario Party 8 sur la Wii. Wouhou! Le jeu qui a été banni au Royaume-Uni à cause de mauvais langage. En 4e position, c'est Wii Play sur la Wii. En 3e, The Darkness sur 360. En 2e, Guitar Hero 2 sur 360. Et en 1e, le jeu le plus loué en Club Vidéo au Super Club Vidéotron, c'est Guitar Hero 2 sur la PlayStation 2. J'aime pas tellement Guitar Hero. Non, c'est pas ton genre. Pourtant, il me semble que ça a l'air le fun, ça. Non. C'est pas Donkey Konga avec les tam-tam. Non. C'est vraiment le fun. C'est pas... J'ai pas essayé ça. J'ai essayé Guitar Hero au Xbox 360. Oui. Puis, non, je sais pas. On dirait que j'ai comme pas de plaisir, mais en même temps, toutes les autres avec qui j'étais, il y avait du plaisir. Ça a l'air excessivement dur, je trouve. Ouais, mais tu sais, pour ce que ça apporte, tu fais la toune, puis... Parce que moi, je suis plus... Non, moi, je suis plus tam-tam. Je suis plus aussi, tu sais, le jeu sur PlayStation 2 avec... tu joues avec des saucisses, genre, sur un genre de tam-tam, un genre de gros tambour, là. Non? Ça va? C'est ça. regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire avec la chronique La Cassette. Le 9 juin, en 2007, c'était la première année complète que Kotaku faisait This Day in Gaming, qui est où je prends mes informations. C'est bien. Donc, t'es content? Très, très fort. En 97, Dark Horse Comics annonçait une nouvelle série en 4 parties basée sur le jeu Myst. Ça s'appelait Myst, The Book of the Black Chips. Et puis voilà, c'est à peu près ça. Le 8 juillet en 2002, Nintendo annonçait le Game Boy Advance version Latios, un hommage encore une fois au Pokémon. À chaque année, il en sort un, on dirait. On est tanné! Ouais, c'est ça. Wow, ça a pas été mis à jour depuis le 9 juillet, cette affaire-là. On est rendu le 19, hein? Je dis ça de même, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans, donc on va sauter par-dessus. Je me demande ce qui se passe avec ça. Puis tiens, regardons un petit peu les consoles les plus vendues au Japon pour la semaine dernière. C'est selon l'Institut Media Create. Rapidement là-dessus, tiens, un instant, on va faire seulement les jeux. D'accord. OK. Parce qu'on manque de temps un petit peu. En troisième position, Super Robot Tyson OG sur la PlayStation 2. En deuxième, Chibi Robo Park Patrol sur la DS. Et en première, c'est The Legend of Zelda Phantom Hourglass sur la DS avec presque 75 000 ventes. Pardon? Ouais, pour pire. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce qu'on a le temps? Plusieurs, oui, vas-y, vas-y. OK. Au Canada, c'est quoi la console que les gens ont le plus? Wow! Très bonne question, même que j'avais récemment vu les données là-dessus. Mais est-ce que c'est Wii qui s'est vendu plus qu'Xbox 360? J'imagine que c'est pas PlayStation 3. Non, certainement pas. Ouais, c'est sûr. Ça pourrait être une console portable. Je suis pas sûr, par contre. Nintendo? Je vais me renseigner pendant la prochaine pièce si j'ai du temps, sinon la semaine prochaine. Okay, okay, parce que moi aussi, ça m'intrigue de voir ces chiffres-là exacts. Au Canada, parce que c'est ça, on entend souvent en Chine ou ce truc-là qui sont quand même loin, qui ont quand même d'autres mœurs. Donc, d'autres... C'est le fun de se rapprocher un petit peu plus de nous, oui, que de voir ce qui se passe ailleurs, même si c'est toujours intéressant quand même. Puis tiens, dernière petite affaire, l'équipe de Yahoo Québec a fait parvenir à Radio-Canada le palmarès des recherches dans le domaine des gadgets et de la techno. Donc, le top 10 gadgets et techno, voici les trois premières positions. En troisième, c'est iPod. En deuxième, le Nokia 6300. Et en première, augmentation de 500% pour le iPhone. iPhone. C'est le top des gadgets et technologies. Le top 10 des logiciels téléchargeables. Troisième, WinRAR. Deuxième, iTunes. Et première, Avast Antivirus. Avast, très très bon. Ouais. Ce que je vois là-dessus aussi, il y a QuickTime en 7e. C'est ce que tu utilises, moi aussi. Hey, on est buddy d'antivirus. Et jeux vidéo et jeux en ligne. En troisième, Webkinz. En deuxième, Mahjong. Et en première, Zilom. Ça fait un petit bout que j'ai pas été joué au plus récent jeu en ligne. Ouais. Et j'ai pas encore essayé Zilom. Peut-être pas jour. Je suis encore accroché sur des vieux jeux de là 2 ans. Avec la coccinelle. Tu sais, la coccinelle, non, même pas des mineurs. Moi, je joue à des mineurs. Coccinelle avec les billes. Hein. Non, c'est le fun. En tout cas, maintenant, pourquoi pas, regardons un petit peu, ce qui se passe dans le fil technologique cette semaine. Quelques nouvelles en bref. En Australie, un homme a surpris les policiers en s'attaquant dans la nuit de dimanche dernier aux infrastructures d'un opérateur de téléphone cellulaire au volant d'un vieux char d'assaut restauré. John Patterson, 45 ans, a réussi à renverser 6 tours de téléphonie cellulaire appartenant à Telstra, oui, son ancien employeur, avec son char d'assaut de 15 tonnes. Décontenancé, les policiers n'ont pu utiliser leur technique habituelle pour arrêter le char d'assaut avec leur voiture. Ce n'est qu'à 4h du matin qu'ils ont finalement pu entrer dans le mastodonte alors que Patterson tentait de renverser une 7e tour. Le gars, il était fru, tu sais. Ouais. Hein? Il y avait pourquoi? Un petit débalancement dans la tête. Je crois pas que l'article explique tout, mais quand même, le résident de Sydney est notamment accusé de vol, de conduite dangereuse, de possession d'armes. Le char d'assaut, c'est un arme. T'sais. Mais vol, qu'est-ce qu'il a volé? Ça dit pas dans l'article. Et d'avoir causé des dommages à Telstra évalués à 6 millions de dollars australiens ou 5,5 millions de dollars canadiens. Aucun média australien ne raconte comment l'homme de 45 ans a été capable de mettre la main sur le char d'assaut. Mais vous pouvez voir une vidéo de la poursuite policière en cliquant sur l'article « Fâché contre un opérateur mobile, il l'attaque en char d'assaut ». C'est sur lechance.com, il y a une vidéo. Qu'on ne montrera pas maintenant. Non. Le FBI a révélé cette semaine qu'il avait utilisé un espiologiciel, un spyware, pour enquêter sur un jeune malfaiteur. Le FBI a installé le mois dernier ce logiciel qui s'appelle CIPAV dans un compte anonyme du site de réseautage MySpace, d'où émanaient des menaces quotidiennes de faire exploser une école secondaire dans l'état de Washington. Grâce à l'espiologiciel, les enquêteurs ont pu retracer l'adresse IP de l'internaute qui avait envoyé les messages, un ancien élève de l'école du nom de Josh Glazerbrook. L'adolescent vient d'être condamné cette semaine à une peine d'emprisonnement de 90 jours. Oh! Juste 90 jours. Dans un centre de détention pour jeunes où il se trouve déjà depuis son arrestation à la mi-juin, Glazebrook a plaidé coupable à des chefs d'accusation d'appel à la bombe, d'harcèlement et d'usurpation d'identité. Après 90 jours, il va aller faire sauter. C'est ça, il va juste, dans le fond, c'est une petite peine à passer pour, en fin de compte, atteindre son objectif. Mois. Un mois! Tic-tac, c'est, dans le fond, c'est 30 dodo. Genre. 3 mois? Comment? 90 jours. 90 jours, excuse-moi. 89 dodo. Dans le fond, quand tu y penses. 89? 89 dodo. Ouais. Parce que dans le fond, le 90e jour, tu dormiras pas là. Fait que... Ouais. T'as raison. Hein? T'as raison. Toujours au sujet du FBI, en mars dernier, le ministère de la Justice états-unien, c'est comme ça que dit branchez-vous.com, a révélé que le FBI avait envoyé de fausses lettres de demande d'information d'urgence à des fournisseurs de services téléphoniques, leur demandant de révéler immédiatement de l'information confidentielle sur certains de leurs clients. Le problème est que ces lettres étaient mensongères. Les lettres en question ont été dénoncées comme étant un abus de la loi antiterroriste américaine, le Patriot Act. Plus de 60 lettres ont été envoyées et elles proviennent toutes du même bureau, le service d'analyse des communications, et sont signées par le chef de la division antiterroriste. Le contenu stipule qu'en raison de circonstances exceptionnelles, le sous-nommé est sommé de fournir les dossiers associés au numéro de téléphone fourni. Une juge rédige actuellement une demande d'assignation à comparaître et celle-ci sera fournie sous peu. Mais en fait, aucune demande n'avait été formulée, donc le chef de la division antiterroriste a signé des lettres demandant de l'information confidentielle sur les citoyens. Ces lettres contenaient de l'information reconnue comme fausse. Il s'agit d'un crime aux yeux du gouvernement fédéral américain. Donc la suite et fin de cette histoire sera peut-être dévoilée bientôt. C'est quand même triste. Aux États-Unis, il y en a qui abusent. C'est à peine si on n'a pas une limite de 3 heures sur nos jeux vidéo. Ça s'en vient un jour. Les polyposteurs ont ajouté le document PDF à leur arsenal de propagation. Depuis quelques semaines, il est même devenu leur moyen de propagation de prédilection. Donc, Computer World et de nombreuses autres sources indiquent que de 14 à 21 milliards de pourriels, des spams, auraient été envoyés jusqu'à présent. Étant donné que ce format de document est plus volumineux que les autres, ça aurait causé une augmentation du trafic sur Internet de 30 à 40%. Incroyable, c'est fatigant ça, les spams et les chaînes. Les lettres de chaîne. Moi, en tout cas, envoyez-moi ça en pot. Là. Je t'en ai, je lis pas, je les ouvre pas. Non, je t'ai supposé mourir 100 fois. Tu sais quoi, là? Ils disent, mettons, là, si vous n'envoyez pas ce courriel, là, la personne va mourir d'un cancer. Ouais, c'est ça, on va faire frapper avec un. Non, vraiment, mais au moins c'est facile à effacer. Moi, en tout cas, moi je me plains pas du spam parce que j'en reçois pas beaucoup. Et quand j'en reçois, c'est pas long à effacer, donc j'ai pas l'impression de perdre beaucoup de temps, mais je peux comprendre ceux qui en reçoivent des centaines par jour. Ouais. Comme moi. Comme toi. Arrête-moi ça. Parlons un petit peu de Harry Potter, j'avais glissé un mot là-dessus tantôt. On a parlé de ça la semaine dernière un peu aussi, mais on a appris que le très select site Demonoid.com offrirait à ses membres les 495 premières pages des 750 que compte le nouveau livre Harry Potter and the Deathly Hallows. Le site, qui est un des plus prolifiques du réseau d'échange de fichiers BitTorrent, offrirait ainsi un avant-goût du 7e et dernier tome de la saga du sorcier. Ce livre est entouré d'un des plus grands systèmes de protection dans le monde. Le hic, par exemple, la raison que j'en parle, c'est que le serveur qui héberge le site Demonoid.com est, depuis le début du mois, à Laval, chez Natelligent. Donc, un déménagement qui a eu lieu au début de juillet, alors que le site a quitté virtuellement les Pays-Bas suite à des problèmes avec les autorités locales. Du côté de l'hébergeur québécois, son vice-président Thomas Bernier dit ne pas avoir de problème avec ce site parce que, d'une part, il croit en la liberté d'expression et que, pour le moment, ce type de site n'est pas illégal au Canada. C'est bizarre. J'étais vraiment pas au courant que c'était québécois. C'est vraiment génial. Et le gars de là-bas est génial aussi. Parce qu'il aurait pu facilement dire « Je veux pas avoir de problème, là, ça pourrait causer du trouble. Là, partez, allez-vous-en. » Non, il veut de la publicité, là. C'est ça. Ouais, mais en même temps, est-ce que ça apporte vraiment de la publicité, ça? Ben, ça va y apporter du trafic sur son site. Ça a pas le choix, t'en oui, parles. Oui, mais il y a rien de bien à ça. Il y a rien de bien à ce que Demonoid reçoive plus de hits. Parce que si plus Demonoid reçoit de hits, plus ça coûte cher à l'intelligent de l'héberger. Tu comprends? Ouais, en même temps, il va pouvoir charger cher à son client de Demonoid.com. Dans le fond, c'est vrai. Il fait de l'argent. Pas c'est fou. Vrai, ça. T'es pas fou pantoute, dans le fond. Tu me fais penser. Je dirais que t'es intelligent. Appelle-moi Nathalie. Nathalie bon. Jean. Nathalie Jean. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser un article un petit peu long sur quelque chose par rapport à Prince. Le dernier album du chanteur Prince a été distribué gratuitement avec un journal anglais. Ça a causé une controverse. L'article va être sur lunechance.com pour passer une petite après-midi à lire ça. C'est un petit après-midi même, je dirais. C'est une belle place. D'accord? Il nous reste quelques affaires à faire. Il nous reste en fait plusieurs choses à faire. Quelques nouvelles sur ce qui va se passer très bientôt sur vos consoles. Quelques petits gadgets et quelques affaires très, très en surface plus tard. Mais avant, voici un bon vieux succès de C'est fou. Wouhou! Wouhou! Dansons tous ensemble et chantons par-dessus les lettres. Chantons, on va mettre nos lettres de connexion, OK? On va commencer la pièce pour commencer, OK? On va tenter. Ben ça, un petit peu le volume. On va faire du lip-sync là-dessus pour les premières secondes. C-O-N-N-E-X-I-O-N-N. Non, faut mettre le « la » pour que ça marche, je pense. Voilà, on va recommencer. L-A-C-O-N-N-N-X-I-O-N. Ah ah, ça marche, on a assez de lettres. Yes, on la refait. Ah, mais L-A-C-O-N-N-N-X-I-O-N. Ah, mais tu mets 3-N. Ben oui, mais faut que ça rentre aussi. L-A-C-O-N-N-E-X-I-O-N. Non, t'as raison, ça. The Trump. The Nth Degree de Morning Wood. Leur album est éponyme, mais ça date de quand même plusieurs années. C'est un gros succès sur les ondes de C'est Fou, ça. C'était. Ben, ça joue encore une fois de temps en temps, t'sais. On ressort ça des fois, on s'amuse. On sort du placard. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ici à CFU 89 FM, la radio campus. Oh, j'avais oublié. Je voulais faire ça. On va faire ça rapidement. Inspecteur Gadget. On n'a pas grand temps cette semaine pour faire le reste de l'émission. OK, mais voici Go Gadget. Go Gadget, ta mère. Gadget, ton chapeau. Gadget, ton poing. Qui c'est? Elastico Gadget. Cette semaine, dans nos gadgets, on va vraiment faire ça vite, vous allez voir. On parle, entre autres, quand vous êtes, c'est l'été, OK? Vous êtes en camping, vous avez de la misère à... Vous avez un cooler avec de la bière dedans, OK? Mm. Et là, il y a un gars qui s'est dit, « Ah, c'est plate d'avoir fret à la main, tu sais. J'aime pas ça à froid à la main quand je me mets la main là-dedans. » Pas un gant. Non, pas un gant, par exemple. C'est une pince. Une pince à... Oui, une pince à bière? En fait, c'est comme une genre de louche et que la bière vient se reposer sur le plastique. C'est génial, ça coûte Mon Dieu. 15$. C'est Mon sur Dieu. TaylorGift.com via Cooler Scoop. Hey, les gens ne savent plus quoi inventer. Non, mais justement, parlant de ça, un grille-pain qui vous affiche un timer comme sur un micro-ondes pour vous dire combien de temps votre toast va prendre à cuire. Hein? Yeah. C'est fait en stainless steel. Ça coûte... Stainless steel. $60 chez cooking.com. C'est 800 watts le toaster. C'est génial. Wow. Génial. C'est la bonne puissance. Tout le monde le sait. Tant qu'à gaspiller des prises d'électricité, pourquoi ne pas afficher quelque chose de beau dessus? Par exemple, un pot de fleurs. Et là, c'est un pot de fleurs avec une prise que tu peux brancher dans la prise d'électricité et rendre ça beau. Ou... Ben, un pot de fleurs avec des fleurs en plastique, je crois, mais quand même. Ça compte pareil. Non. Ensuite, je vais sauter par-dessus quelques-uns. Une montre qui est la montre la plus précise du monde. Elle coûte $50. C'est sur Elevate Films. Et tout ce qu'elle affiche, c'est « Now ». Il est « Maintenant ». Il est maintenant. $50? Quelle heure qu'il est? Il est maintenant. Génial. J'adore ça. C'est un affichage à LCD, donc c'est parfait. Alors, ouais. Ça garde l'heure au moins. Tu peux pas perdre l'heure. Non, c'est ça. Finalement, tiens, comment ne pas faire voler votre iPod? OK? Tu veux ne pas te faire voler ton iPod? Ouais. La seule façon, c'est d'avoir une Zoom. Dans le fond, la Zoom de Microsoft, c'est le lecteur MP3 que personne veut et que personne va voler. Donc, ils ont inventé le HidePod, qui est un genre de pochette en forme de Zoom, qui ressemble à une Zoom, mais à l'intérieur, tu mets ton iPod. Génial, hein? Ça paraît-tu ou... Non, ça a l'air d'un vrai Zoom. Oh. C'est iDePod.com. Ça coûte seulement $30. Cachez votre iPod dans une Zoom et le faites. Je veux voir ça. Mode. Ben, viens voir ça. Lève-toi et viens voir. Lève-toi et viens voir. C'est génial. Donc, c'est le Ultimate iPod Anti-Theft Device. Allez voir le iDePod.com ou passez par le unechance.com. Va te rasseoir, on a d'autres choses à faire. Il nous reste à peine une minute pour vous dire que sur le site de l'émission, j'ai posté quelques articles sur des jeux vidéo qui s'en viennent très bientôt. Il y a une vidéo sur The Price is Right qui s'en vient. The Price is Right, Bob Parker. Exactement. Un nouveau jeu sur Live Free or Die Hard. Le nouveau Die Hard. Ouais. OK. Il y a un nouveau jeu de le table tennis de Rockstar, le jeu de ping-pong qui s'en vient sur la Wii. La Wii? Sur la Wii, ça va être trop génial. Le jeu de ping-pong sur la Wii, ça va être fou. Il y a un calendrier sur la sortie des jeux sur la Wii et sur la DS, les nouveautés sur la Virtual Console, un paquet de nouveaux jeux qui sont rétro-compatibles sur la Xbox 360. Tout ça, les jeux pour le bureau, le reste des choses que vous n'avez pas vu passer un très très bon après-midi en allant voir ces liens-là et en vous divertissant. Unechance.com. Mais c'est la fin. Ben oui, unechance.com, t'es bon. Ouais, tu dis. C'est ça. C'est la fin de la connexion pour cette semaine. Donc merci beaucoup, comme toujours, d'avoir été là. On apprécie énormément. Merci, Mathieu Plante. Puis écoute, je vais essayer de faire mes devoirs pour la semaine prochaine et critiquer un jeu. J'aimerais rétro. Ça. Pour que je me sente pas aussi mal que t'aies rien à dire des fois. Ouais, c'est ça. Donc moi, je vous retrouve à la chance au courant, l'émission des découvertes musicales. Ça, c'est le vendredi matin à 10h, le samedi et le mardi à 14h. Les palmarès, c'est fou, vendredi à 17h, jeudi à 14h. C'est ce qui nous suit le jeudi, d'ailleurs. Si vous écoutez la rediffusion, ce qui nous suit, c'est la chance au courant. Je vous retrouve à la connexion la semaine prochaine. Émission d'informatique jeux vidéo, on est en direct le jeudi, en reprise le samedi et le mardi de midi à 14h. Et allez voir sur le cifou.ca pour les heures de diffusion et le unechance.com pour tous les liens de l'émission et la balado-diffusion. Passez des heures et des heures de plaisir. Podcast. Podcastez-vous ça dans les oreilles. Podcastez-vous ça. De la part de François-Olivier Marchand, de moi-même Mathieu Plante. Merci beaucoup. Au revoir. Faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. dot dash dot dash dot com.